Victor Hugo, autre recueil poétique. Vous trouverez dans d'autres fichiers, d'une part, quelques poèmes extraits de la légende des siècles, le plus vaste et le plus brillant exemple du génie épique de Victor Hugo, d'autre part, la bande-son d'un diaporama, avec poèmes et musique, sur les châtiments, où Hugo a déployé son génie et sa verve satirique. Sans vouloir abuser des étiquettes habituellement utilisées en littérature, c'est essentiellement l'aspect lyrique qui m'a fait choisir, dans d'autres recueils poétiques de Victor Hugo, les textes que je propose maintenant à votre attention. Le lyrisme étant d'abord l'expression de sentiments personnels d'un artiste, vous ne serez donc pas étonné de m'entendre situer, le plus succinctement possible, les poèmes choisis. Voici d'abord deux poèmes extraits des Orientales, publiés en 1829. Clair de lune. Victor Hugo a puisé son inspiration dans un sombre fait divers qu'il venait de découvrir. Le sultan avait fait jeter à la mer, de nuit, des chrétiens enfermés dans des sacs. La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise. La sultane regarde, et la mer qui se brise, là-bas, d'un flot d'argent, brode les noirs îlots. De ses doigts en vibrant s'échappe la guitare. Elle écoute. Un bruit sourd frappe les sourds échos. Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de Kos, battant l'archipel grec de sa rame tartare? Sont-ce des cormorans qui plongent tour à tour et coupent l'eau, qui roulent en perles sur leur aile? Est-ce un djinn qui là-haut siffle d'une voix grêle et jette dans la mer les créneaux de la tour? Qui trouble ainsi les flots près du sérail des femmes? Ni le noir cormoran sur la vague bercée, ni les pierres du mur, ni le bruit cadencé d'un lourd vaisseau rampant sur l'onde avec des rames. Ce sont des sacs pesants d'où partent des sanglots. On verrait, en sondant la mer qui les promène, se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine. La lune était sereine et jouait sur les flots.